Tiens, déjà minuit, nous nous sommes endormis en attendant monsieur le marquis. Hé, vous autres, quel sommeil! Je trouverais bien moyen de les réveiller. Pas un cœur qui n'échappe au sien. Hé oh, sur le prado, s'il exécute un boléro, oui, la plus sage et la moins frivole se prend bien vite et devient folle. Des castagnettes de Pedro, des castagnettes de Pedro. De Pedro, de castagnettes. Je vous y prends. Est-ce pour pincer de la guitare qu'on vous paie? Et monsieur le marquis, qu'est-ce qu'il dirait? Il ne dira rien, il ne viendra pas. Ah, pas plus ce soir que les autres soirs. Le fait est que voilà plus de 2 mois qu'il n'a mis les pieds dans sa petite maison. N'empêche qu'il faut toujours préparer le souper. Oui, mais nous ne le laissons pas refroidir, le souper. Une fois l'heure passée, qui est-ce qui soupe? C'est nous! Alors, de quoi vous plaignez-vous? Tiens, ça ne suffit pas à la nourriture. Au contraire, ça donne des envies de faire un peu d'exercice. Ah, si vous saviez, il y a là, au coin de la rue, Rosita, la petite bouquetière qui m'attendait. Moi, j'avais 2 mots à dire à Paquita, la nièce du pâtissier. Eh bien, et moi, si vous croyez que... Oh, caramba! Mais tenez! Si d'ici à 1 heure, le marquis n'est pas rentré, je vous donne congé pour le reste de la nuit. Le carrosse! Oh, c'est le marquis! Eh bien, pas de chance, vite, à l'office! Si j'ai besoin de vous, je vous rappellerai. Excellence. Oh, bah c'est le sergent. Eh bien, et votre colonel? Il sera ici dans 1 heure. Il vous a envoyé en avant? Oui, et j'ai 2 personnes avec moi. Entrez vous autres. Alors, on va souper? Mais certainement, et tout de suite. Je cours et je sers. Mais chez qui sommes-nous ici? Chez le marquis. Ce maudit cocher n'a rien écouté, ni mes prières, ni mes menaces. Il avait ses ordres, lui aussi. Rien ne nous séparera plus, puisque Manuela est ma femme. Et l'autre mari, le mari du matin? Cet imbécile de Guardona. Mais si l'on vous a marié à minuit à la chapelle, c'est Guardona qui a épousé devant le notaire à 6 heures. C'est pourtant vrai. Maudite tante Léona. Attention, nous entrons dans le drame. Nous l'avons joué, cette pauvre tante, et elle doit être d'une belle fureur. Eh bien, je brave sa fureur. J'ai conquis Manuela. Le souper de monsieur le marquis. Soupons donc, en attendant Frimouschino. Qui est-ce qui demande Frimouschino? Le voilà. En retard, jeune homme. Oh, mais ce n'est pas de ma faute. Si vous saviez ce qui m'est arrivé... Je pars, je vais, je vole, et dévorant le terrain. Je prends ma course folle, une course à fond de train. Descente, côte ou pleine, au diable, je souffle un coup. Et je reprends haleine et mes jambes à mon cou. Passe un muletier sur sa mule. L'homme m'accepte en groupe, mais de rossinante digne émule. La bête ne trottait jamais. À la pressée, à la pressée. J'ai mes vertus, hop, hop, de la blanc, blanc, blanc, de ta loupe. Autant monter une tortue à terre, dis-je des talons. Ah, je pars, je vais, je vole, et dévorant le terrain. Je prends ma course folle, une course à fond de train. Descente, côte ou pleine, du diable, je souffle un coup. Et je reprends à l'aide, et mes jambes à mon cou. Victoire, c'est la diligence qui passe dans un tourbillon. Oh là, monsieur le portillon, un petit coin par obligeance. Oh là, les combles des supplices, c'était un convoi de nourrice. Chacune avec son nourrisson, le tout bien est à l'unisson. Oh, j'étais fou, déjà quand j'aperçus une berline en passant courant votre terre. Mon Dieu, mille merci, d'un premier bond, je m'en gagnerai sur le siège des lumières. D'un autre bond, je me retrouve ainsi. Que l'on s'embrasse, je ne dis point, mais ne Celui-là. C'est Frémoschino. Il soupera avec nous. Ordre du marquis. Ah, alors, une rallonge et un couvert. Eh bien, Ribardos, n'avez-vous donc pas faim? Oh, au contraire. C'est peut-être mon dernier souper à moi. Soupons. Je soupe. Ah, vous en êtes. Une rallonge, un couvert. Oh, monsieur le marquis. Ne vous dérangez pas, je ne vous demanderai qu'une faveur, celle de présider à votre souper. Une rallonge, un couvert. Venez, monsieur le marquis. Mon mari d'un côté et vous de l'autre. Son mari numéro 2. Je les retrouve enfin. Mon fou, quel poigne. Seigneur, la calme. Que je me calme, moi, que je me calme. Je suis né en pleine Espagne, sous un ciel de feu. Oh, nous sommes tous nés en pleine Espagne, sous le même ciel de feu. Mais tonnerre de cacao, nous n'avons pas reçu ton coup de soleil, nous. On s'expliquera plus tard. Ce que vous avez de mieux à faire, Péronilla, c'est de souper. Une rallonge, un couvert. Eh bien, moi aussi, je souperai. Et vous allez la voir à l'œuvre, c'est une belle fourchette. Oh. Une rallonge, un couvert. Me voilà, me voilà. Ah, ça n'a pas été sans peine. C'est ce cher Guardona. Tiens, mon gendre numéro 1. Ah, madame, j'aime à penser que vous trouverez une explication honnête pour justifier votre... Vous trouverez le mot plus tard, mon cher Guardona. Vous soupez aussi, n'est-ce pas? Je soupe. Les agitations de l'âme n'imposent pas de silence au... Ne m'aidez pas, ne m'aidez pas. Au besoin de la bête. Au besoin de la bête. Ah, ça, mais qu'est-ce qu'il me fait dire? Des bêtises. Oh, voici le notaire et les frères Velasquez. Quatre rallonges, quatre couverts. Ce sera un souper très gai. Je serai entre mes deux jambes. Oh, n'avoir qu'une fille et avoir deux gendres quand il y a tant de pères qui ont deux filles et pas de gendres du tout. Allons, à table! À table! Soupons tout de même. Je rage. Soupons tout de même. Je rage. Soupons tout de même. Je rage. Soupons tout de même. Soupons tout de même. Soupons tout de même. Calmer toutes les têtes, rien de meilleur qu'une chanson. Sans chanson, pas de bonne fête, monsieur le marquis a raison. Monseigneur a raison, il y a de vous la chanson. Monseigneur a raison, il y a de vous la chanson. Qui peut donc mieux s'en acquitter que monsieur le maître à chanter? Il faut chanter. Moi? Il est gentil. Moi? Pas vous, mon gendre numéro 2. Chantez-nous la Malaguenia. Chantez-nous la Malaguenia. La Malaguenia. La Malaguenia. D'où vient tes chansons nouvelles? Et c'est la brise. Oh! Une paire d'ailes, et comme son père a sommeil, si monsieur le marquis veut bien nous offrir l'hospitalité... Très volontiers. Taratata, j'exige des explications. Eh bien oui, mes gendres, je vous les donnerai quand nous serons seuls. Du diable, si je sais ce que je vais leur dire. Je crains tout. Peut-être as-tu raison. Mais ne quittons pas la maison et tâchons de les faire évader. Agnès vient te coucher. Comme c'est gai. Et non, ce n'est pas gai, mais je suis fatigué. Oui, je suis fatigué. Quelle épreuve pour ma tendresse. Allez-vous coucher. Je me coucherai si je veux. Mais le soleil se couche bien, n'humiliez pas le soleil. Alors, monsieur le notaire, vous couchez ici? Oui, en diligence. Et vous emportez ce flambeau? J'aime avoir toujours quelque chose à me mettre sous la dent. Une poire pour la soif. Eh bien, messieurs mes gendres, ah oui, l'explication, vous voulez l'explication. Eh bien, laissez-moi une minute de recueillement et je vous la donne. Je n'ai qu'une fille, ma fille unique. Elle se trouve bien involontairement, la pauvre enfant, être l'épouse de deux maris. Il y a comme qui dirait de la bigamie dans ce qui lui arrive là. N'est-il pas vrai ? N'y a-t-il pas, messieurs, vous qui devez avoir fait de fortes études, un pays où les maris ont deux femmes ? Il y a l'Orient, beau-père. Oui, en Basse-Bretagne. Mais il n'y en a pas, que je sache, où les femmes ont deux maris. Et vous ne demandez pas que je vous coupe ma fille en deux. Ma fille n'est pas une galette. Et il y aurait de plus un tas de difficultés. Couperait-on verticalement ou horizontalement ? Et dans ce second cas, il y aurait quelqu'un de bien lésé. Peut-être envisagerait-on une autre combinaison, les jours pairs et les jours impairs, mais ce serait contraire aux bonnes mœurs. Renonçons-y donc aussi et allons dormir. Je tombe de sommeil. Je ne crois pas qu'il y ait jamais eu de précédent à ce qui m'arrive là. Si vous en connaissez un seul, je vous serai très obligé de m'en informer. Seulement, je vous saurai un gré infini de ne pas m'éveiller pour me le dire. Il sera toujours temps demain matin. Allons, mesdames, messieurs et toute la compagnie, bonsoir. Frimouskino. Sergent. Le vieux s'est assoupi. C'est peut-être le moment de faire évader nos jeunes mariés. Il me semble qu'on ouvre une porte. C'est la vieille. Ma nièce dort. Sa chambre n'a pas d'autre issue. Oh, je suis tranquille de ce côté. Vous dormez, vous? Au nom du ciel! Laissez-moi me reposer un instant. Et faites comme moi. Et puisque c'est une situation sans issue, mettez-vous dans un bon fauteuil et dormez. Vous devez en avoir besoin. Oh oui, je suis harassée de fatigue. Et cependant, je suis en ébullition. Ma vengeance n'est pas satisfaite. Que vous avez peu de sang espagnol dans les veines. Laissez-moi donc tranquille avec votre sang espagnol. Sortez avec précaution. Allons, venez, de la prudence, et que la nuit et le silence protègent votre évasion. Mais où donc Emanuela ne va venir rester là? Mais il faut se taire, voici la tante et le père. Et la tante, la tante et le père. Et le père, chut. Cher Alvarez, ou ma chère âme, mon seul époux, ma seule femme. Chut, taisez-vous. Pourquoi, quoi? Heureusement, c'est toujours avec le même. Malédiction ! Cette porte est fermée à double tour. Qui nous a pu jouer ce tour ? Qui nous a pu jouer ce tour ? Comment trouver la clé? Faisons en sorte de la découvrir. Et d'ouvrir? Il est gentil. Je ne peux pourtant pas lui dire où ma sœur a mis la clé. Rien. Les autres clés ne vont pas. Comment faire? Aucun moyen. Le sort nous est contraire. Le sort nous est contraire. Ma sœur. Chut, il rêve. Ma sœur, pourquoi avez-vous mis la clé dans votre poche gauche? Après cela, s'ils ne la trouvent pas, c'est qu'ils y mettent de la mauvaise volonté. C'est lui-même qui nous révèle où se trouve la clé. Silence. Prudence. Je la tiens. Quel bonheur. Qui va rager. Ouvrez ! Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai entendu une voix qui ressemble à celle de ma femme dans le corridor. Allons donc, elle est en sûreté. Oh, mon Dieu, la clé. Oh, échappée, envolée. Mais venez donc, qu'est-ce que vous avez dans les veines ? Du chocolat ? Le meilleur chocolat. Ça m'amuse de la voir rager comme ça. La maison est entourée de soldats. Nous allions nous sauver. Quand tout à coup, un bruit de pas, de voix, c'était la garde. Et le corégidor à la tête de ces alguazils. Le corégidor? Les alguazils? Qui vient-on arrêter ici? Tous, votre affaire a pris une mauvaise tournure. Tout Madrid est en émoi. Thank you. et sur les bras. Il faudrait pour bien faire que la belle ou le choix, celui qui le préfère garderait tous ses droits, qu'il gardera la seigneurie, oh qu'il la paix, oh qu'il la front, les magistrats décideront, les magistrats décideront, les magistrats décideront. À la consigne, les soldats tels et son devoir. À n'entendre rien se résigne, il se résigne à ne rien voir. En silence, il monte sa garde, et c'est là son rôle à l'effet. Qu'il n'écoute ni ne regarde ce qui se dit, ce qui se fait, donc que l'on veille silencieux. Silencieux, silencieux. Fermons l'oreille, fermons, fermons les yeux. Fermons l'oreille, fermons, fermons les yeux. Fermons l'oreille, fermons, fermons les yeux. Oui, fermons l'oreille, fermons, fermons les yeux. Mais quoi pour être militaire, on est d'ailleurs pas de granit. Et nous changeons de caractère dès que notre garde finit. Quand une soubrette piquante paraît le minois folichon. D'un flacon de vieille alicante, quand vient à sauter les bouchons. Fille et bouteille, voilà nos dieux. Voilà nos dieux, voilà nos dieux. Rouvrons l'oreille, rouvrons, rouvrons les yeux. Rouvrons l'oreille, rouvrons, rouvrons les yeux. Rouvrons l'oreille, rouvrons, rouvrons les yeux. Le jour du procès. Tout Madrid est en émoi. Songe donc au danger qui menace notre petite protégée. L'issue d'un procès douteux. Nous la défendrons encore. Et quand Alvarez sera son véritable mari. Ainsi, tu as confiance. Assurément, j'ai confiance et quand nos ennuis vont finir, je garde ma douce croyance aux promesses de l'avenir. La trahison vainement édifie contre l'amour ses projets ténébreux. Thank you. Silence ! L'audience va commencer. Déjà ? Je fais poster mes hommes. Que jamais cause plus difficile n'a été soumise à nos lumières. Cause plus difficile et plus piquante. Sans compter qu'on dit la mariée très jolie. Une jolie plaideuse, ça nous changera. Et qui a eu l'idée de demander la comparution personnelle? C'est Bibi! Monsieur Coco Odésinos, un peu de tenue, s'il vous plaît. Appelez les tétés. Et moi, la mariée d'abord. Oh, elle est charmante. Intéressante. Votre nom, je vous prie. Manuela, Leona, Inès, Jacinta, Dolores, Juana, Incarnación, Pepita sont mes prénoms. Elle a une mémoire étonnante. Est-ce tout ? C'est tout. Votre âge ? 19 ans. Bel âge. Veuillez vous asseoir, mademoiselle. La señora Leona. Votre nom? Leona Manuela Peronia de Pintafiores de las Casas y Marquesito. Olé! Votre âge? Je suis née en pleine Espagne. La date? Sous un ciel de feu. Je vous demande quand vous êtes née. Le tribunal voit bien que ce n'est pas d'hier. Mais encore faut-il préciser. J'ai 29 ans. Allez vous asseoir. Les Marie. Les maris, c'est moi. C'est moi, les maris. Le mari numéro un. Je suis le mari numéro un. Votre nom? 38 ans. Votre âge? Rentier. Votre profession? Gil Gondoles Placidos Guardona. Olé. Vous avez épousé la señorita? Oui, le matin. Et le soir? Le soir, c'est un autre. Le soir, c'est moi. Trahison! Ils m'ont fait monter sur un cheval fougueux. Qui? La maréchaussée et le petit clerc. Et pendant que j'allais à Madrid chercher un chapelain... Vous êtes allé à Madrid? C'est-à-dire que je voulais y aller, mais le cheval, lui, n'a pas voulu. Il a préféré entrer dans un pré. Et comme je n'étais pas le maître... Enfin, vous comprenez? Rien du tout! Allez vous asseoir, c'est complexe. Au numéro 2, votre nom? Alvarez, 20 ans, maître à chanter. Messieurs, vous allez décider du bonheur de ma vie. Je ne témoigne pas, je supplie. Nous séparons, nous accablons, c'est bien. Mais moi, je ne me sens coupable de rien. Je ne dis pour me défendre qu'un... suis allé de ma petite larme. La parole est aux avocats. Mais je n'ai pas d'avocat. Je n'ai pas d'avocat non plus. Eh bien, honorable du tribunal, je me fais son avocat. Messieurs, le procès que vous allez avoir à juger est une cause judiciaire issue d'une situation sans issue. Soyez bref, avocat, et entrez dans la caisse. Et pourquoi faut-il que j'entre dans la caisse ? Vous jugerez, messieurs, avec votre cœur et pas avec autre chose, car vous êtes père. Et si vous ne l'êtes pas, vous le serez. N'avez-vous pas tout ce qu'il faut pour l'être ? La jeunesse, l'amour, la beauté, car enfin, j'ignore, moi, si le tribunal est marié, et j'ignore s'il est père ou non. Et il est un père, ils ne sont que trois. Avocat, rentrez dans la caisse. Ah, ça, pourquoi tient-il à me faire rentrer dans la caisse ? Cet enfant est une fille. Le père la marie deux fois, le même jour, à deux conjoints distincts. Monsieur et monsieur. Approchez et comparez, messieurs les juges. Et d'abord, qu'est-ce que celui-là ? Ah, voilà, sur ma parole, un joli mari. Oh, il plaide délicieusement. Oh, c'est du joli. Non, mais regardez-le. Je ne voudrais pas déprécier l'article, mais son infériorité saute aux yeux. D'abord, il est laid, il est âgé, catareux, asthmatique, rhumatisant, ce que nous appelons un vieux pot fêlé. Mais vous n'avez pas le droit d'injurier. Si l'on bâillonne la défense à présent. Mais on ne bâillonne personne. Messieurs, je crois vous avoir suffisamment édifié sur le numéro 1. Je passe au numéro 2. C'est élégant, c'est distingué, c'est surfin, c'est première fabrication. Et puis, il aime la demoiselle, il en est aimé. De sorte que, si vous donniez gain de cause au numéro 1, il y aurait gros à parier que le numéro 2, ne pouvant être le mari, devienne, disons-le, l'amant. Oh. Oui, messieurs, et c'est vous. Vous qui auriez posé la première pierre de ce scandale, n'est-ce pas ? Dites que c'est un joli couple, n'est-ce pas, messieurs de la cour ? Commencez à pleurer. N'est-ce pas que ce serait un crime que de désunir ces deux petits tourtereaux ? Sanglotez, mes enfants ! Messieurs, voyez nos larmes ! N'arrachez pas ces enfants à leur beau-père. Messieurs, la seule issue à cette situation sans issue est cette issue. Unissez, mais ne désunissez pas. De cette façon, vous donnerez gain de cause à l'amour, à la jeunesse, à la beauté, j'ai dit. Pardon, il doit y avoir un contrat dont le texte doit être scrupuleusement respecté. Le tribunal ne peut rendre son jugement qu'après avoir connu ce contrat. De retour, non pas puisque j'ai là au milieu du front une bosse. Ce contrat. Je ne l'ai pas. Qui donc alors ? Moi. Je redoutais quelques mauvais desseins. lisez. C'est bien cela. Contrat de mariage entre Gil Guardona Rentier, âgé de 38 ans, et demoiselle Leona Peronilla, sans profession, âgée de 39 ans. 39 ans? Il y a écrit 39 ans. 39. Il doit y avoir un pâté. Il n'y a pas de pâté. Le patron a l'oreille dure et je lui ai soufflé un chiffre pour un autre. Ah, chenapan, c'est un tour à ta façon. C'était facile, le même nom. Et 9 partout, 39, 19. Quoi? Je serai la femme de Guardona. Quoi? Je serai le mari de Leona. Allez donc embrasser votre femme. Ah, elle est mieux que je ne le croyais. Oh, je n'ai que 29 ans, Seigneur Guardona. Eh bien, on ne vous les donnerait pas. Mes pauvres enfants, je vous bénis comme chocolatier hier, comme avocat aujourd'hui et comme père toujours. Alors cette fois, je n'ai plus qu'un mari, mais c'est un vrai de jour comme de nuit. All right.